que c'est bête les hommes. On leur dit qu'ils sont grands, raisonnablement beaux. Ils s'en montrent contents, en profitent aussitôt. Parfois au pied du mur, l'animal est moins sûr. Mais il reste charmant que ces bêtes, les hommes, ça vous part pour la guerre et ça part en chantant comme c'est la dernière. Ça revient bruyamment, ça rêve de repos, mais qu'il dure un peu trop. Ça repart pour la guerre, que c'est bête les hommes. On en prend un pourtant, raisonnablement beau, qui croit évidemment faire les choses comme il faut, et qui croit vous tenir, mais il peut survenir. Bien des événements que ces bêtes les hommes, mais ils sont ainsi faits qu'on n'y peut rien changer. Quand même on le pourrait, mieux vaut ne rien tenter. Ils en viendraient à dire qu'ils sont devenus pires à trop nous fréquenter. Mais que c'est bête les hommes. Mais que c'est bête les hommes.